François Morel. Et Micheline Nuccioni. Et Micheline Nuccioni. Ah bah et, oui. Henri Jeunesse. Chloé Verlac est une personne très dangereuse. Invitée par un libraire, elle devait présenter ce dimanche à Sancerre les livres de son mari Tinius, dessinateur abattu par des barbares en janvier 2015. Chloé Verlac aimait son mari, aujourd'hui elle défend sa mémoire, elle publie ses dessins, elle fait en sorte que l'on n'oublie pas le talent ravageur, facétieux, formidable de son homme. Chloé Verlac est une personne très dangereuse, autant que Hélène Honoré, la fille du grand dessinateur Honoré, lui aussi exécutée par les fanatiques. Finalement, Chloé n'ira pas à Sancerre, Hélène non plus, la peur a gagné, enfin n'ira pas sur le marché de Sancerre, un gendarme s'est plaint. Son travail est d'assurer la sécurité, et pour assurer la sécurité, il ne faut prendre aucun risque. Les livres de Tinius portent atteinte à la population de Sancerre. La préfecture du Cher a été contactée par les maires de Sancerre et de Vernigny et elle a répondu courageusement « Bah, c'est bien embêtant votre affaire parce qu'on peut pas interdire, c'est sûr, vous imaginez le pataquès que ça ferait, mais dire que ça nous arrange qu'elle vienne, franchement, non, parce que c'est peut-être pas le meilleur moment, elle pourrait peut-être venir, mais... plus tard, sans que ce soit annoncé, par exemple, ou alors quand tout ça, ça sera tassé un peu, qu'elle vienne, je sais pas, moi, dans 3 mois, peut-être un peu plus, hein. Des parents d'élèves de leur côté ont exprimé leur crainte pour la sécurité de leurs enfants. Certains, ni plus ni moins, ont dit que Chloé Verlac n'avait rien à faire à leur marché. L'association qui organise le marché de Noël a finalement demandé l'annulation de la séance de dédicace. Et donc, Chloé ne dédicacera pas les livres de son Tinius de mari. Hélène ne présentera pas les livres de son honoré de père. Je crains que dimanche, certains visiteurs du marché de Noël, pour peu qu'ils aient un tout petit peu de conscience, se retrouvent légèrement gênés aux entournures devant les bougies, les étoiles, les guirlandes, les petits santons de Provence, les produits régionaux. Depuis 15 jours, des copains se retrouvent au bistrot en se moquant d'eux-mêmes. Ils font mine de se prendre pour Jean Boulin, pour Lucie et Raymond Aubrac depuis que commander un blanc-casse en terrasse est assimilé à un acte de résistance. C'est pourtant vrai quand on y pense que des femmes, des hommes sont juste morts parce qu'ils prenaient l'air, prenaient un verre en terrasse, écouter de la musique. C'est ça le problème. Si aujourd'hui on se résigne à ne pas présenter un livre sous prétexte qu'il ne faut pas désobliger les terroristes, demain, les terroristes décideront peut-être de s'en prendre aux amateurs de bougies, d'étoiles, de guirlandes, de petits santons de Provence, de casseroles, d'égouttoirs, de n'importe quoi. Mais les lecteurs de livres ne seront peut-être plus là pour les défendre. Amer marché de Noël à Sancerre, amitié à Hélène et à Chloé, que l'on retrouvera le dimanche 6 décembre, chez le vigneron Alphonse Mello, au domaine de la Moussière, près de Sancerre, à la bonne vôtre. Merci à vous François Morel, et merci à Bing Crosby. Ah oui, bah oui, très bien.